passé une seconde pour tout oublier. Effacer cette poste-là, l'étoile anticipant son propre départ, tarde ses faibles rayons sur ce monde moribond. Une âme vagabonde qui s'est abandonnée.